Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 6 février, nous souhaitons une bonne fête au Gaston. Plusieurs dictons, à la Saint-Gaston, surveille tes bourgeons. Ou encore à la Saint-Gaston, bien souvent, le temps n'est pas bon. Alors on verra tout à l'heure que ce dicton n'est pas exact pour aujourd'hui. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale sans téléphone portable. Bon, désolé, mais déjà pour moi, c'est raté. Journée internationale contre l'excision, décidée par l'ONU pour sensibiliser aux mutilations génitales féminines. En Éthiopie et Jamaïque, c'est la journée de Bob Marley, fête du mouvement Rastafari. En Nouvelle-Zélande, c'est The Waitangi Day, fête nationale et jour férié depuis 1970, qui commémore la signature en 1840 du traité de Waitangi entre les tribus maoris et la couronne britannique. Dans les événements qui se sont déroulés un 6 février en 1800, Alessandro Volta inventait la pile électrique à base de cuivre et de zinc. En 1952, c'était la mort du roi George VI du Royaume-Uni et sa fille, la princesse Elisabeth, duchesse d'Édimbourg, lui succédait. On la connaît maintenant sous le nom de la reine Elisabeth II. 1964, la France et la Grande-Bretagne décidaient de la construction d'un tunnel ferroviaire sous la Manche qui sera construit bien des années plus tard. Et en 1991, c'est du cinéma sorti du film L'Opération Cornet Beef de Jean-Marie Poiré avec Christian Clavier, Jean Reno ou encore Valérie Lemercier. Et d'ailleurs, ce film détient le record d'entrée pour l'année 1991. Allez, tout de suite, première pause musicale avec les Guns N' Roses et le titre Don't Cry. Tonight, there's a hell of a world you'll find. Les Guns N' Roses sur RGM, un peu plus de 8h37, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 6 février 1953, naissance de Franck Capilleri, acteur français, vu dans la série télé Une famille formidable dans le rôle de Robert le maire, section de recherche, RIS, police scientifique ou encore Balthazar. 1958, naissance de Barry Miller, acteur américain, son plus grand rôle est celui de Ralph dans le film Fame dans les années 80. 1962, naissance d'Axel Rose, chanteur, compositeur du groupe américain Guns N' Roses. 1966, naissance de Rick Astley, chanteur britannique. 1977, naissance de Josh Stewart, acteur américain, vu dans L'étrange histoire de Benjamin Button, The Dark Knight Rises, Insidious chapitre 4. Mais on le connaît surtout pour ses rôles à la télévision, hein, notamment dans la série New York 911, dans le rôle de Brendan Finney, Esprit criminel, dans le rôle de William LaMontagne Jr., ou encore Shooter dans le rôle de Solotov. 1978, naissance de Yael Naïm, chanteuse franco-israélienne. 1979, naissance de Dan Balan, chanteur moldave du groupe Ozone. On retourne quelques années en arrière et on se rappelle le titre Dragosta din Tei, petit extrait. Pour l'extrait du groupe Ozone. Allez, on continue les anniversaires. 1982, naissance d'Alice Eve, actrice anglaise, vue dans Sex and the City 2, hein, le film, dans le rôle d'Erin, Men in Black 3, dans le rôle d'Olivia, Star Trek Into Darkness, dans le rôle du docteur Carol Marcus. 1984, naissance de Julie Taton, Miss Belgique 2003, devenue présentatrice télé. Et on termine en 1985 avec la naissance de Crystal Reed, actrice américaine, connue pour son rôle d'Alison Argent dans la série télé Teen Wolf et son rôle de Sophia Falcon dans la série Gotham. Et ce matin, on apprend le décès de Kirk Douglas, qui est donc décédé hier à l'âge de 103 ans. Il avait débuté sa carrière dans les années 40. Il était l'un des derniers monstres sacrés d'Hollywood, hein, qu'on avait pu voir entre autres, hein, dans Spartacus, 20 milieux sous les mers ou encore Les Sentiers de la Gloire. Allez, avant de marquer une petite pause musicale, on va faire un point sur les événements en région. Je vous rappelle les sentiers de la photo, hein, sous les arcades de Remiremont jusqu'à dimanche. La soirée au coin du feu avec la maison de la Bresse, c'est ce vendredi à 20h30 au prix de 7€. Ensuite, à la maison polyvalente de Le Tolly, hein, organisée par le réseau parentalité de Remiremont et ses vallées, une pièce jouée par la troupe de CTPS, l'entrée est libre. Il y a également samedi le café BD à la médiathèque de Remiremont de 10h à midi. Renseignements au 03 29 22 50 01 ou à l'adresse mail suivante médiathèque@ccpvm.fr. On continue avec la mairie de Remiremont.

Voilà, c'était le chanteur Rick Astley sur le 107 FM. Presque 8h49, on parle météo. La météo. Très belle journée ensoleillée qui nous attend aujourd'hui. Des températures comprises entre moins 2 et 0 degrés ce matin. Entre 6 et 8 degrés pour cet après-midi. Vendredi sera une belle journée ensoleillée également. Des températures comprises entre moins 3 et moins 2 degrés le matin. Entre 8 et 10 degrés prévus pour demain après-midi. Samedi, du soleil avec quelques petits nuages. Des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin. Entre 9 et 10 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. En football, en Ligue 1, Metz a fait match nul à Montpellier, un but partout. En basket, en NBA, l'équipe de Détroit de Doumbaya s'est imposée 116-108 face à l'équipe de Phoenix de Okobo. 5 points pour Doumbaya, 3 points pour Okobo. L'équipe de Boston de Vincent Poirier s'est imposée 116-100 face à l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier. 5 points pour Vincent Poirier et en revanche 26 points pour Evan Fournier. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour son équipe d'Orlando. Et on termine avec l'Utah Jazz de Rudy Gobert, qui s'est incliné 95-98 face à Denver, 16 points et 14 rebonds pour le Français. Un mot de tennis avec le tournoi de Montpellier, le duel franco-français entre Gilles Simon et Richard Gasquet a tourné à l'avantage de Gasquet, qui s'est qualifié en 2-7. Manarino s'est qualifié en 3-7 face à Popperine. Hugo Humbert s'est malheureusement incliné en 2-7 face à Lopez. Et la performance du jour nous vient de Barrer, qui s'est qualifié en 3-7 face à Dimitrov, et oui, rien que ça, 6-7, 6-4, 7-5. Au programme d'aujourd'hui, un autre duel franco-français entre cette fois-ci Gaël Monfils et Adrian Manarino. Richard Gasquet, lui, sera opposé à Lopez et Herbert affrontera Ogier Aliassime. Et au tournoi de Pune, aujourd'hui, Benoît Paire affrontera Marcora. Et on va parler football avec le SAS Épinal et la Coupe de France qui approche à grands pas, c'est le 13 février prochain, c'est dans une semaine. Un déplacement sera organisé pour ce quart de finale de Coupe de France, je vous le rappelle, aura lieu au stade de Nancy. Le déplacement, ce sera 30 euros, transport plus entrée de match, plus l'écharpe du match. Les réservations se feront au Clubhouse, donc au stade de la Colombière. À noter que l'ouverture de la billetterie se fera ce vendredi à partir de 13h30, toujours au Clubhouse de la Colombière. À noter qu'une billetterie en ligne sera également mise en place sur le site de la SNL. Tous ces renseignements, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux du SAS Épinal. Et on va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Yael Naïm et son titre New Soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.